Chambord, château italien. Majesté, il y a un message. D'où vient-il ? D'Amboise. Enfin ! Mon ami Léonard a tenu sa promesse. Il devait m'envoyer les plans du château de Chambord et le projet du canal de Romorantin. Ouvrez le pli, monsieur Artus. Auriez-vous perdu la langue ? Je ne sais comment vous lire cette dépêche. Lisez donc ! Je n'ose pas, puisque vous m'en donnez l'ordre. À François Ier, roi très chrétien de France, il m'est impossible d'exprimer la douleur que j'éprouve. Maître Léonard, votre ami, a passé de cette vie présente à la vraie vie. Que le Dieu Tout-Puissant lui accorde le repos. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. 2019, 1519, nous sommes à une date anniversaire à plus d'un titre. Vinci meurt. Les travaux de Romorantin, bien plus qu'un canal, une cité idéale que voulait François Ier pour sa mère et pour lui, sont interrompus. Commence ceux de Chambord qui satisfont le roi qui, cette même année, perd espoir de devenir empereur. C'est Charles Quint qui est élu à la tête du Saint-Empire romain germanique à sa place. Alors pour évoquer ce moment, Xavier Patier, bonjour. Bonjour. Xavier Patier, vous avez été commissaire pour l'aménagement du château de Chambord. C'est un titre qui a été créé par Georges Pompidou en 1970 et que vous avez occupé. Vous avez fait beaucoup pour que Chambord devienne un épique. Ça, c'est, tout le monde sait ce que ça veut dire. Établissement public, industriel et commercial pour faire de l'argent et pour être rentable. Mais commissaire à l'aménagement de Chambord. Comme gouverneur, quoi, sous l'Ancien Régime. Oui, alors ça c'est amusant d'ailleurs parce que le premier responsable de Chambord, sous François Ier, portait le titre de commissaire, qui est tombé en désuétude et que Pompidou a, sans le savoir, ressuscité en 1970. Alors on va pas parler administration tout de suite avec vous, et même pas de l'administration du Loir-et-Cher, parce que maintenant vous êtes directeur des services du département du Loir-et-Cher. Vous êtes d'abord, pour nous, un écrivain. Vous avez publié le roman de Chambord, en format poche maintenant, aux éditions du Rocher. Et puis vos carnets d'administrateur, Le Château Absolu, ça vient d'être réédité aux éditions de la Table Ronde. Mais on va faire comme si vous étiez un historien sérieux. Vous l'êtes d'ailleurs à certains égards parce que vous avez travaillé sur les archives. Sérieux, sans aucun doute, historien, pas forcément. vous avez quand même travaillé sur les archives de Chambord. Oui. J'ai compilé des archives. Oui, et puis vous dites que les archives ne disent pas nécessairement ce que la réalité de la vie quotidienne à Chambord affirme. On a fait des fouilles archéologiques récemment à Chambord. Vous-même en avez fait d'ailleurs, on avait conduit dans les latrines, parce que les latrines vous intéressaient particulièrement. On a trouvé un passage, un peu comme dans la pyramide de Khéops. On a trouvé un passage pour accéder à une latrine qui n'avait été censément pas violée depuis le XVIe siècle. Et en arrivant dedans, d'ailleurs, on a vu un graffiti de 1845, preuve que nous n'étions pas les premiers. Mais c'est vrai que Chambord n'est pas un endroit très documenté sur le plan des archives écrites. Et donc, pour comprendre Chambord, il faut d'abord faire des constructions intellectuelles et puis il faut aussi creuser le sol pour faire de l'archéologie. Un numéro spécial d'Archéologia de octobre est consacré aux fouilles qui ont récemment eu lieu à Chambord. Et le numéro insiste, c'est un endroit qui était habité avec une forteresse médiévale, un paysage construit autour du gué et de la forêt où on chassait quand François Ier, à 17 ans, pour la première fois, arrive, mais il n'arrive pas dans un désert. Il arrive dans un territoire de chasse où il est invité par Louis XII, son oncle. On sait que Chambord, il y avait des habitants, il y avait même un prieuré, il y avait une châtellenie, il y avait un four banal. Donc il faut imaginer un village au bord du Causson, avec quelques centaines d'habitants, qui faisaient de la polyculture, de l'élevage, et adossé à une forêt. Mais la forêt était côté sud de Chambord. La rive nord du Causson était plutôt de la lande, de la prairie et de la culture. C'est formidable pour chasser, vous pouvez avouer que vous chassez. Alors de nos jours, c'était un aveu toujours très très risqué. Oui, je fais mon coming out, je suis chasseur et veneur en plus. Alors, circonstance aggravante. Lande, endroit touffu, variété de paysages, c'est bien pour la chasse. Alors le milieu ouvert, c'est très très bien pour la vénerie, la chasse au chien courant. D'ailleurs, c'était la chasse que François Ier aimait le plus. François Ier, dont vous dites que c'est à sa manière un rénovateur de la chasse parce qu'il a introduit beaucoup d'esthétique dans la chasse. Alors, François Ier, il est à la frontière de deux mondes, le Moyen-Âge et le monde moderne. Et il a effectivement, en matière de chasse, changé, révolutionné complètement la manière de voir les choses. Jusqu'à François Ier, on chassait pour capturer, tuer et s'approprier le maximum d'animaux. Et François Ier, qui a été un lecteur de Gaston Phébus, mais qui l'art a aussi de la chasse. De l'art de la chasse, a réfléchi à créer une chasse dans laquelle il y avait la notion de chasser noblement, c'est-à-dire laisser l'animal se défendre et codifier une vénerie qui est beaucoup moins meurtrière et beaucoup plus sportive. Pour donner un exemple, Gaston Phébus disait, lorsqu'on a plusieurs animaux repérés, il faut attaquer plutôt une biche qu'un cerf parce que c'est plus facile. François Ier dit, non, on va attaquer uniquement un cerf parce que c'est plus difficile. Alors, notre sujet de cours, je vous le rappelle, Xavier Patier, c'est est-ce que Chambord est un château italien ? Ça serait bien quand même si vous pouviez expliquer que Léonard de Vinci a eu une influence réelle sur Chambord alors qu'il meurt au moment où les travaux commencent. Alors, on a très envie de dire que François Ier et Léonard de Vinci, mais d'abord Léonard de Vinci, sont les aspirateurs du château. C'est d'ailleurs assez probable. C'est vrai qu'au moment où le premier coup de pioche est donné à Chambord, Léonard de Vinci est mort. Donc, on n'a aucune facture d'architecte réglé à Léonard, il n'a pas suivi les travaux. Simplement, quand on regarde les assises qui lui ont été commandées pour Romorantin, il a réfléchi... Projet de cité idéale. Le projet de cité idéale, avec les deux pavillons et les canaux avec la solde. Léonard avait conçu déjà plusieurs hypothèses d'escaliers. Alors, les escaliers à quatre pans, des escaliers, et le fameux escalier à double révolution, est sorti de la plume de Léonard. Donc on peut penser que l'escalier autour duquel le château a été conçu, c'est du Léonard de Vinci. Vous expliquiez ça à vos enfants. On ne va pas dire combien d'enfants vous avez. Ils sont assez nombreux. Et alors, quand vous étiez administrateur, ils empruntaient l'escalier et ils ne se croisaient pas. Vous leur Exactement. Disiez, c'est à cause de Vinci ? Oh, j'ai certainement dû leur dire. En fait, tous les visiteurs de Chambord à travers les siècles ont fait l'expérience. On monte et on ne croise pas ceux qui descendent. C'est d'ailleurs un escalier, pour tout à fait franc, il y avait à Rome déjà des escaliers. Il y en avait deux apparemment à double révolution. Donc Léonard a transposé un escalier qui avait déjà été conçu, mais il l'a fait beaucoup plus grand, beaucoup plus majestueux. Et effectivement, le prototype, c'est devenu Chambord. Alors on a quand même quelques archives, même des textes tardifs. Ainsi, un manuscrit de Félibien qui travaillait à la cour de Louis XIV et qui est venu à Blois en 1680. Ceci, c'est un extrait du documentaire de Jean Bobsky, excellent documentaire qui est passé sur Arte au début du mois de septembre. Et le documentariste amène une spécialiste de Vinci devant ce texte de Félibien. Chambord, tel que l'histoire nous l'a légué, ne serait pas exactement celui qui avait été prévu. Mais alors, à quoi aurait dû ressembler le château ? Où trouver les traces du projet d'origine ? Une part de la réponse se trouve peut-être ici, au château de Cheverny. La genèse du château n'a guère laissé de traces écrites. Hormis les informations collectées par l'architecte de Louis XIV, André Félibien, qui a eu accès aux archives avant qu'elles ne soient détruites. C'est son manuscrit que découvre ici Monique Châtenay. C'est la première fois que je le vois en réalité. C'est pas possible, ça se fait. C'est vraiment un témoignage extrêmement précieux parce que il s'est visiblement arrêté assez longuement à Blois, où il a consulté les archives de la Chambre des comptes de Blois et il a vu énormément de choses sur l'histoire de la construction de Chambord, sur le nom des maçons, sur le nom, l'organisation des chantiers, sur le déroulement de la construction, sur les prix de la construction. Et il est très très précieux aussi, puisque on lui a signalé que dans une maison de Blois, il restait une maquette qui représentait le château de Chambord. Il est allé la voir, et bien qu'elle soit, elle ait été en très mauvais état, il a essayé de la faire représenter. C'est tout à fait passionnant parce que c'est un avant-projet et les façades sont beaucoup plus italiennes que tout ce qui a été fait avec ce jeu d'arcades, de vraies arcades, d'arcades feintes et un type de décor qui est très lombard, Milan, la région justement où sont allés les Français, la région que connaissait François Ier et qu'il aimait. Alors, château italien, château français, Madame Châtelain insiste sur le fait qu'il y a des maçons français. Les travaux sont interrompus, d'ailleurs, pendant un moment, ne reprennent qu'en 1526, avec des artisans français, les matériaux sont français, les fenêtres sont françaises. Alors, Xavier Patier. C'est un prototype unique. On ne trouve pas l'équivalent du château de Chambord en Italie, si c'est ça la question. Parce que si c'est un château italien, quel est le modèle? Alors on a dit Saint-Pierre de Rome à cause du plan en croix, mais c'est quand même très sollicité. Ce qui est certain, c'est qu'au fur et à mesure du déroulement du chantier, c'est les maçons qui ont pris le pouvoir. On le voit très bien. Et tous les repentirs, toutes les rectifications font que le château finalement aboutit et quelque part entre un palais italien idéal et le château de Saumur représenté par les très riches heures du duc de Berry. C'est-à-dire que c'est à la fois un château hyper français et très italien. Mais il y a un architecte italien, néanmoins. Oui. Alors, il y a effectivement le Boccador, Dominique de Cortone. Très probablement, c'est l'homme qui a construit... qui a suivi les travaux. C'est lui qui a reçu des rémunérations pour ça à la fin des travaux de la part de François Ier. Et c'était un Italien. C'est un Italien qui s'était illustré pour avoir construit l'hôtel de ville de Paris, dont on connaît le pastiche maintenant, mais qui était très proche. Et c'est un Italien qui était le plus français des Italiens. Et c'est vrai que l'hôtel de ville de Paris et Chambord a un petit cousinage qui est un mélange d'un esprit gothique et d'un esprit très italien de la Renaissance. Et ça, c'est peut-être la marque Boccador. En tout cas, effectivement, l'architecte probable de Chambord, dans la limite du fait que les maçons ont quand même eu le pouvoir aussi, c'est que le Boccador. Mais vous avez du mal, vous, à imaginer un château italien dans la Sologne humide. Le métissage des deux, vous avez du mal à l'organiser dans votre tête. Oui, alors déjà, il y a un problème, c'est que c'est un château qui est décalé, d'abord à cause de sa forme, c'est-à-dire que la notion de terrasse, qui est au cœur de Chambord, est très, très mal adaptée à un climat comme celui de la Sologne. Deuxièmement, et ça c'est effectivement une architecture italienne, faire une terrasse. Deuxièmement, le matériau, qui est le tuf, qui est très tendre et qui est perméable, est très mal adapté à une architecture de terrasse. Et donc, on peut penser que le plan, l'intuition initiale des Léonards et les plans italiens qui ont suscité la décision de François Ier reposaient sur un malentendu. C'est-à-dire qu'on allait faire au bord de la Loire un palais qui aurait dû être au bord du Tibre et en marbre. Et on l'a fait en tuf et au bord du Causson. C'est pour ça que l'histoire du château est l'histoire d'un chantier perpétuel de restauration. Parce que ce château, laissé à lui-même, il a une espérance de vie d'une petite centaine d'années. Alors là, on sent le souci de l'administrateur que vous avez été à Chambord pendant 3 ans. Vous arrivez un peu en avance. D'abord, vous ne savez pas par quelle route arriver. Comment trouver le bon point de vue? Exact. Alors Chambord est un château qui est souvent représenté par une espèce de carte d'identité, photo d'identité. Il est vu de face du côté nord. Et on a toujours envie de le voir. Enfin, moi, j'ai toujours envie de le voir sous un autre angle. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que Chambord vu côté court? C'est très difficile et on a souvent effectivement l'impression de ne pas arriver par le meilleur endroit. Le meilleur endroit, finalement, c'est de prendre celui que découvraient les monarques arrivant de Paris ou arrivant de Blois par Saint-Dié, c'est-à-dire arriver par le nord. Là, on a effectivement l'image d'Épinal du château de Chambord. Alors, vous arrivez dans votre bureau qui n'est pas très grand. Vous êtes un peu en avance, mais le gendarme, il y a un gendarme? Il y a des gendarmes à Chambord. Il y a des gendarmes à Chambord. Le gendarme vous dit, monsieur l'administrateur, ça va pas. Hein. Il y a des infiltrations d'eau partout. Si vous saviez, des infiltrations d'eau partout. Il faut colmater tout le temps. Oui. Goudronné peut-être, je sais pas. Alors, ça a été goudronné justement en 1900, dans les années 50. Ça a été une catastrophe. Il a fallu enlever le goudron. Et en fait, le problème, c'est que Chambord est un château donc, qui est construit en tuf dans une zone pluvieuse avec des grandes terrasses. Sous les terrasses, il y a un système très intéressant. Ce sont des tuiles romaines. Il y a une pente entre les voûtes des salles en croix et les terrasses. Il y a une toiture. Alors, une toiture qui est franchement italienne, d'ailleurs, pour le coup. Et tout le problème, c'est qu'effectivement, comme cette toiture est inaccessible, elle n'est pas entretenue. Et donc, à peu près tous les 50 ans, on trouve, je le cite d'ailleurs dans le livre, il y a un rapport d'architecte pour annoncer la catastrophe. C'est-à-dire que ça va s'effondrer. Moi, je vous dis, il vaut mieux le voir de loin. Non. Honnêtement, parce que dans le détail, on est toujours trahi. Je pense qu'au cours des 500 dernières années, c'est un moment, il n'a jamais été en aussi bon état qu'en ce moment. Donc, c'est le moment d'y aller parce que les travaux de restauration sont terminés, les prochains n'ont pas commencé, mais ils viendront. Et donc, il est pour l'instant tout à fait étanche. Vous allez entendre ici une des grandes figures de Chambord qu'on n'arrive pas, nous, à identifier. Vous allez sans doute reconnaître sa voix. Il s'exprime au micro de Joël Vernet. C'était en 96, vous n'étiez pas encore arrivé. Vous menaciez d'arriver. Voilà. Hein, une émission « Les nuits magnétiques ». C'est le château qui a ses deux côtés, qui a ce côté mort, fixe, immobile, comme ça, figé dans le temps et dans l'espace, dont on sait qu'il n'est voué à aucune évolution. Mais d'un autre côté, c'est aussi un tremplin pour l'imagination, pour la création, parce qu'un lieu comme ça, ça peut devenir un instrument de musique, ça peut devenir un jouet fantastique, l'escalier double, ça peut être ce qu'on veut. Malgré qu'il ait 5 siècles d'histoire, c'est encore un mystère quasi total. Enfin, moi, c'est une des choses qui m'a frappé quand je suis arrivé ici avec le phénomène. Enfin, là, c'est mon expérience personnelle, mais je crois qu'il y a une sorte de phénomène de régression quand on arrive là. Des fois, j'ai l'impression d'être devenu une sorte de fœtus quand je vais ici la nuit, que... En plus, avec ce côté acoustique extraordinaire, là, il y a quelque chose d'un peu intra-utérin, quoi. C'est marrant. Enfin. Alors, on se met à faire des rêves de Tuffaut. Ouais, on a de la pierre plein les yeux, quoi. On n'en sort pas, quoi. Alors, si on ne fait pas attention, je pense que ça peut devenir assez. Peut-être dangereux. C'est un lieu qui est très fort. Dominique Hofbauer, avec qui vous avez exploré les latrines? Exact. C'est lui qui avait trouvé la combine et la méthode pour y descendre. Lui, il ne chasse pas. Il chasse la pierre. Il est végétarien. Ça, j'en sais rien. Ben, c'est vous qui l'écrivez. Ah ben alors, c'est le cas. J'avais oublié, mais effectivement, c'est pas, c'est dans pas absurde. Dans Carnet, le château absolu. Exact, oui, parce qu'effectivement, il joue de la cornemuse au lieu de sonner de la trompe, et il est végétarien. C'est tout à fait vrai. Il cultivait sa différence avec vraiment beaucoup de talent. C'est un château du ciel, Chambord? Parce qu'il y a toute une théorie de Xavier Tapatier sur Chambord, lieu de transition. Alors, vous avez entendu François Ier, différent de Louis XII. Vous dites, c'est la Tour Eiffel. Parce que ça s'élève vers le ciel, comme la Tour Eiffel, alors, ou pour d'autres raisons? J'ai dit, il faut faire le test de la Tour Eiffel. Alors, ça vaut pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut monter au deuxième étage de la Tour Eiffel et regarder Paris. Et ce qu'on constate quand on est là, c'est que Paris, il y a une canopée. Les toitures sont toutes à la même hauteur. Et puis, il y a des choses qui dépassent. Et tout ce qui dépasse et qui est antérieur à la Tour Eiffel, c'est des édifices religieux, c'est des clochers. Tout ce qui dépasse et qui est postérieur à la Tour Eiffel, c'est des édifices profanes. Ce sont des tours, des bureaux. Montparnasse. Et entre les deux, il y a la Tour Eiffel elle-même qui est un lieu de transition qui n'est ni profane ni religieux, parce que c'est surmonté par une antenne de télévision et de radio. Donc c'est un outil pour mettre les hommes en relation les uns avec les autres. Et ce que je dis, c'est que la Tour Eiffel, construite au XVIIe siècle, aurait été surmontée par une croix, au XVIIIe par une statue de Notre-Dame, et que le Chambord, construit au XVIe siècle, est surmonté par une fleur de lys. C'est la première fois qu'un grand édifice régalien français, sur son point le plus élevé, à un symbole qui n'est pas religieux, qui est un symbole régalien, laïque. Et c'est pour ça que je dis que c'est la Tour Eiffel de la Renaissance française. C'est aussi une architecture de transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Oui, mais c'est un peu fumeux, j'avoue. Non, c'est brillant. Mais la Tour Eiffel a donné lieu à des tours, après, tandis que Chambord a donné lieu à des imitations. Vous connaissez beaucoup d'imitations de la Tour Eiffel en dehors de Tokyo? Vous avez cité la Tour Montparnasse. Oui, mais ça n'a rien à voir. Oui, bien sûr. Vous citez Versailles, ça n'a rien à voir avec Chambord non plus. Oui. Parce que pour vous, Versailles, c'est... C'est un château horizontal. C'est un cadavre horizontal. C'est un gratte-ciel horizontal. Un gratte-ciel horizontal. Versailles est fait pour loger le maximum de monde. Chambord n'est pas fait pour loger des gens, même si ça peut aussi loger des gens. Ah, on n'a pas habité Chambord. Ou alors, à des époques très postérieures, le maréchal de Saxe au XVIIIe siècle, ouais. Polignac, le gouverneur, ouais. Votre prédécesseur, aussi, ouais. Sous l'Ancien Régime. Oui, ça a été habité souvent par des gardiens, d'une certaine manière, de différents niveaux, mais le maréchal Saxe, c'est celui qui l'a le plus habité, qui l'a habité bourgeoisement, qui l'a aménagé, qui a mis du chauffage, qui s'y est installé, qui l'a meublé. C'est le maréchal de Saxe. Avec des écuries. Avec des écuries. C'est très important, donc, la place du cheval à Chambord. Expliquez-nous ce que c'est que le cheval du préfet. Parce que vous étiez administrateur, oui, chargé de recevoir les huiles du département, du pays et de l'étranger. Alors, il y avait un cheval pour le préfet ? Oui, alors ça, c'est un sujet majeur. Il y a à Chambord à peu près une dizaine de chevaux qui sont des chevaux de la garde républicaine, qui sont des chevaux qui sont affectés là un peu comme un fonctionnaire dans un corps d'inspection. C'est-à-dire, c'est des chevaux méritants qui n'ont plus grand-chose à prouver, mais qui sont fatigués. Donc ce sont des chevaux de 15 ans. Et ces chevaux, ils servent à surveiller les parkings ou le parc, et ils sont d'ailleurs montés par généralement des gendarmettes. Et alors, dans ces chevaux, il y a effectivement un cheval particulièrement... On avait mis au point un cheval particulièrement peu dangereux, parce que de temps en temps, il y a des personnalités qui voulaient, on va dire, monter à cheval. Et on ne savait pas trop quel était leur niveau d'équitation. Donc on leur mettait véritablement un très vieux cheval, qu'on avait appelé le cheval du préfet, parce qu'il y avait un vieux préfet à la retraite qui venait de temps en temps, et c'est pour ça qu'on l'appelait le cheval du préfet. Et quand le secrétaire général de l'Élysée de l'époque, qui s'est illustré depuis en présidant une commission sur l'affaire Benalla, venait, il disait « Je viens inspecter le mur ». Oui, mais lui, il avait droit à un cheval qui n'était pas le cheval du préfet, parce qu'il était cavalier. Mais il ne voulait pas inspecter le mur. Il venait se promener. Inspecter le mur, c'est quand même nettement plus facile à faire à cheval qu'à pied. Oui, mais enfin, je veux dire que vous receviez les hôtes de la République très régulièrement. C'est fait pour ça, Chambord. La proximité de Paris fait qu'effectivement, c'est l'exotisme à portée du Parisien. Et à quelle saison venir ? Alors vous ne recommandez pas l'été, il fait chaud. L'hiver, c'est un squelette, Chambord. Puis en plus, il ne neige pas, il pleut. Exact. Et il pleut. Quand il pleut, les infiltrations sont de plus en plus menaçantes. Hein ? En quelle saison il faut venir ? Ben, l'automne. Là, la oui, saison là, c'est très bien. C'est très bien. On est d'accord. Mais le plein hiver n'est pas mal non plus. Mais l'automne, on peut ramener de bonnes bouteilles des caves du passé. Nous sommes toujours dans l'huile magnétique. Le château, on a l'impression qu'il a toujours la couleur du ciel, bon, grise. Actuellement, la couleur du temps. Et je pense qu'au printemps ou l'été, avec la lumière du soleil, la pierre est différente. Oui, moi je l'aime pas trop le printemps. Enfin, je l'aime pas trop l'été. Je trouve qu'il est quand même écrasé. Il est écrasé des touristes d'abord, il est écrasé de lumière. Je l'aime bien la nuit. Parce que la nuit, il fait une masse énorme. De temps en temps, il voyage sur un nuage de brume. Et il y a des moments, Mais ça, vous le prenez à un moment. Je me souviens d'un soir au minuit, en rentrant, je suis arrivée face au château. Il était sur son nuage de brume et la lune était dans l'axe de la lanterne. Et je suis allée chercher mon mari pour lui montrer cette image qui était extrêmement étonnante. Et quand on est revenu, c'était fini, le nuage avait disparu, c'était fondu, c'était fini. Il était de nouveau posé sur la terre. Et ça, c'est des flashs comme ça. Alors, ces bandes de brume ici, c'est ce qui est le plus beau de ce qu'on observe, je trouve. On a ça aussi dans les prairies, le long du Causson, le matin, le long de la rivière. On a des moments, je me souviens d'une image d'un cerf qui brame, où on ne voit que sa tête et ses bois allongés sur son échine qu'on devine comme ça, et tout le reste, eh bien, ça se passe dans la brume. Je suis désolé de rompre l'enchantement, monsieur l'administrateur, mais le gendarme arrive au petit matin quand vous avez commencé à écrire. Monsieur le gouverneur, pardon, monsieur l'administrateur, on a retrouvé une capote anglaise sous le lit de François Ier. Exact. Oui, exact. Oui. Alors il y avait une légende qui était d'ailleurs, comme toutes les légendes, fondée sans doute sur des faits. C'est que la nuit, il y avait un certain nombre de gens qui avaient les clés et qui se baladaient dans le château. Alors il y en a qui racontaient qu'ils faisaient des tournées des tables ou des orgies. À vrai dire, j'ai essayé à plusieurs reprises avec les gendarmes, avec de prendre des personnes sur le fait, qui était la seule manière à la fin de savoir qui c'était et s'ils existaient. On n'a jamais réussi. Mais c'est vrai que la rumeur courait et que le château de Chambord avait la réputation, je ne sais pas s'il l'a toujours, d'être visité de nuit par des fantômes qui étaient quelquefois des habitants du village. Enfin, maintenant, il a la réputation d'être administré beaucoup mieux, puisque vous avez contribué à faire du domaine un épique. Non, mais ça, c'est dû à Xavier Patier et puis à Jean-Jacques Ayagon, alors ministre de la Culture. Et maintenant, c'est normalisé. Octoscopie, c'est le blog de Jacques Frémontier. Jacques Frémontier, c'est un énarque qui a mieux réussi que vous, qui êtes aussi énarque. Il est devenu réalisateur de radio et de télévision et il a plus de 80 ans maintenant. Il tient un blog et puis, comme il est vieux, il est libre. Qu'est-ce que c'est que cette billetterie en lame de bois? On est en Touraine, pas au Québec. Ils vont tout de même pas nous vendre du sirop d'érable. Qu'est-ce que c'est que cette zone de restauration qui ressemble à Singapour? Et puis, pourquoi ce film documentaire ridicule que les Rendez-vous de l'Histoire, d'ailleurs, promeuvent, je ne citerai pas le nom de son auteur, et qui nous aurait fait rigoler à l'ORTF il y a 50 ans. Et puis, pourquoi la Madone de l'hôtellerie de luxe, Jacques Garcia, a déposé partout des tissus de son ami Pierre Fray, et que ça donne une atmosphère de bordel belle époque à des chambres qui n'étaient pas meublées au temps de François Ier? Commentaire. Vous, sentez-vous libre, hein, vous êtes juste directeur des services du département des lois. Même là-dessus, il faut que j'ai un avis. Ouais. Je dirais que je comprends le blogueur, mais je ne l'approuve pas. Et chaque fois qu'on... Mais vous le comprenez néanmoins. Je le comprends au sens que je... Parce que c'est trop normalisé, pensez-vous, Chambord? Il y a forcément un risque de voir tout monument historique adhérer à une certaine époque. C'est-à-dire que le Chambord des années 1950, avec son ancien musée de la chasse, là, ressemblait aux années 50. Le Chambord au XVIIIe siècle ressemblait à un Chambord Louis XV. Donc il n'est pas absolument anormal que le Chambord des années 2015-2020 ressemble à ce qu'est l'esthétique mondialisée, parce qu'elle est mondialisée, de cette période-là. Et c'est vrai que... Mais il ne faut pas que pour les Chinois, on fasse de Chambord un pastiche, alors que Chambord est déjà un pastiche. C'est le danger. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que Chambord se mette à ressembler à ce que serait son pastiche construit par un milliardaire chinois dans la banlieue de Shanghai. Mais si le risque existe, il est assez éphémère. Ça, je pense que, et c'est d'ailleurs un signe de vitalité, un monument historique qui porte la trace des manies, des modes, donc des choses un peu démodables d'une certaine époque, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il dialogue avec l'époque dans laquelle il est visité. Alors après, on peut avoir des choix esthétiques. D'ailleurs, vous pouvez dire à votre blogueur que non seulement... Il y a une billetterie qui ressemble au Québec, domaine de Chambord, depuis quelques semaines, s'est mis à vendre du sirop d'érable, figurez-vous. Ah ben oui, il y a un espace de vente et pas seulement de restauration. Et puis, ce qui profanerait Chambord, ce n'est pas la présence de trop de touristes, c'est l'ignorance dans laquelle on laisserait Chambord. Oui, on peut dire ça. Ça, c'est vous qui l'écrivez, pas venu à l'esprit. Bon. Non, mais c'est vrai, la véritable manière de mépriser Chambord serait de l'ignorer complètement. Et il est vrai aussi qu'arrivé à un certain volume de tourisme, la question se pose. C'est-à-dire que Chambord n'est pas un lieu qui a vocation à être un lieu de tourisme de masse. Et là, effectivement, il y a un véritable sujet. C'est qu'à un moment donné, il faudra trouver les moyens de garder à Chambord ce côté exceptionnel et reculé. En le lisant, le roman de Chambord, c'est aux éditions du Rocher, le château absolu, vos carnets d'administrateur Xavier Patier, la table ronde, Fabien Gosset, Marcos Daras, Mathieu Leroy, Jean-François Georges, Daniel Louison, Franck Malabry, Audrey Ripouille et pour la préparation, Aurore Juvenel. Vous qui êtes mécène avec le département des Rendez-vous de l'Histoire, vous vous demandiez si on était très nombreux à venir. Ben voyez, on est quand même... On voit à quoi sert l'argent du contribuable de la recherche. Assez nombreux.